je vois pas en quoi ça menace plus les médias traditionnels et les journalistes aujourd'hui avec ce type de modèle qu'avant avec les modèles non rémunérateurs comme Le Poste ou AgoraVox. Ce sont les mêmes gens, les mêmes citoyens qui sont effectivement pas forcément journalistes, qui se seraient exprimés de toute manière ailleurs et qui aujourd'hui viennent s'exprimer sur Suite 101 et qui en plus peuvent en tirer une rémunération. Donc c'est plutôt une bonne évolution. On n'est même pas un concurrent des médias traditionnels. À la limite, on est presque un tremplin pour ces gens-là, pour qu'ils les intègrent.